الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، nous allons maintenant voir les hadiths 5 et 6 que l'auteur qu'Allah le préserve a mentionné et qui concernent le danger de l'invocation d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc dit, عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, d'après ابن مسعود, qu'Allah l'agré, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. Quiconque meurt alors qu'il invoque en dehors d'Allah un égal, il entrera en enfer. Rapporté par l'imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. وعن جابر رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. Celui qui rencontre Allah alors qu'il ne lui donne aucun associé, il entrera au paradis. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Et celui qui le rencontre alors qu'il lui donne un quelconque associé, il entrera en enfer. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Donc tout d'abord, concernant les compagnons qui rapportent ces deux hadiths. Le premier hadith est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui avait pour kunya Abu Abdurrahman. Il fait partie des premiers à être entré en islam et des grands savants parmi les compagnons radiyallahu anhum. Et lorsque Omar était calife, il lui a confié la direction de la région de l'Koufa et il est mort radiyallahu anhu en l'an 32 de l'Hégire à Médine. Le deuxième hadith est rapporté par Jabir ibn Abdillah qui lui est à Ansari, qui faisait partie des Ansar. Et c'est un compagnon, fils de compagnon. Son père était un compagnon radiyallahu anhuma. Il a participé avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à 19 batailles. Et il est mort, radiyallahu anhu, à Médine. Ces deux hadiths, comme vous l'avez entendu, ils nous indiquent quel sera le refuge et la demeure de celui qui donne des associés à Allah et plus particulièrement celui qui invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'invocation fait partie des adorations les plus immenses et elle fait partie des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala les plus importants. On a vu le droit d'Allah dans un hadith précédent, qui est que ses serviteurs l'adorent sans ne lui donner aucun associé. Et entre dans cela l'invocation, qui ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui invoque autre qu'Allah, alors par cet acte il devient polythéiste, il devient mushrik. Car en invoquant autre qu'Allah, il aura donné un égal à Allah subhanahu wa ta'ala, en considérant que cet autre, cet être invoqué, est digne d'être adoré. Et ceci s'oppose au message de l'ensemble des prophètes, alayhim salatu wassalam, qui ont tous appelé à vouer un culte exclusif à Allah et à n'adorer nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre dans cela l'invocation. Wa anna al-masajida lillah, fala tad'u ma'a Allahi ahada. Certes, les masajids sont consacrés à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Personne. Qui qu'il soit, quoi que ce soit. L'invocation est un droit exclusif d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation est l'adoration. Elle représente l'adoration dans sa globalité. Donc c'est une des adorations les plus immenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnées dans son noble livre. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Allah t'ordonne de l'invoquer. Ceci t'indique que cet acte est un acte aimé par Allah. Et si Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne de lui vouer cet acte, ceci t'indique que tu ne dois le vouer à nul autre que lui. D'autant plus qu'il te dit de l'invoquer et que il te promet suite à cela la réponse à ton invocation. Donc pourquoi invoquer autre que lui qui n'a ni le pouvoir de nuire ni le pouvoir de profiter? D'ailleurs, c'est cet argument qu'a avancé Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre. Lorsqu'il dit ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, alors tu feras partie des injustes, ceux qui ont voué l'invocation à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc placé l'invocation à une place qui n'est pas la sienne. Car c'est cela l'injustice. Placer une chose à une place qui n'est pas la sienne. Et le shirk est la plus grande des injustices, comme il est venu dans le Coran. Inna shirka la dhulmun azim. Le polythéisme, le shirk, donner des associés à Allah est une injustice immense. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre le fait d'invoquer autre que lui, et il dit فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. Et n'invoque pas avec Allah un autre Dieu, sinon tu seras du nombre des châtiés. Donc on voit que invoquer autre qu'Allah revient à prendre cet autre pour divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et telle est la situation de ceux qui invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui invoquent les saints et les vertueux, Ya Rasulallah, Ya Al-Hussein, Ya Sidi Abdul Qadir, et ainsi de suite parmi ceux qui les invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a considéré cela comme une des plus grandes pertes et un égarement évident. Il a dit subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah celui qui ne lui répondra pas jusqu'au jour de la résurrection et qui sont indifférents de leurs invocations. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Et lorsque les gens seront rassemblés, le jour du jugement, ils seront alors leurs ennemis, ils seront ennemis les uns des autres, et ils renieront leur adoration. Donc ces gens-là, ils invoquent des morts, ils invoquent des saints, ils invoquent des walis, alors que ceux-là ne peuvent même pas leur répondre. Ils n'entendent même pas leurs invocations. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans un autre verset. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations. Walau sami'u. Et s'ils vous entendaient, ils ne vous répondraient pas. Ils ne peuvent pas vous répondre, ils n'en ont pas les capacités. Ils n'ont ni la capacité de nuire, ni la capacité de profiter. Et au jour de la résurrection, ils renieront votre polythéisme. Wallah al-musta'an. Donc on voit à travers ces nombreux textes l'importance de l'invocation et que celle-ci relève des adorations les plus immenses. À tel point qu'Allah subhanahu wa ta'ala a menacé celui qui ne l'invoque pas de le faire entrer en enfer humilié. On a vu le début du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » Et votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala « إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ » Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer. Il leur donne l'invocation au début du verset. Puis il dit, ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer, ceux qui refusent de l'invoquer, ils entreront bientôt dans l'enfer humilié. On demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous en préserver. Et dans ce hadith, le hadith d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il est mentionné que celui qui meurt, alors qu'il invoquait autre qu'Allah, alors il entrera en enfer. On tire donc comme bénéfice de ce hadith, premièrement, l'importance de l'invocation, qui fait partie des adorations les plus immenses qui doivent être vouées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a vu, c'est même l'adoration, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation et l'adoration. Car toutes les adorations en réalité sont une forme d'invocation, sont une forme de doa. Car l'invocation, elle est de deux sortes, comme l'ont dit les gens de science. Il y a l'invocation de demande qui consiste à adresser des demandes à Allah. « Oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, fais-moi entrer au paradis. Oh Allah, préserve-moi de l'enfer » et ainsi de suite. Et il y a ce que l'on appelle « du'a al-ibada », l'invocation d'adoration. Qu'est-ce que c'est? C'est tous les actes d'adoration par lesquels tu te rapproches d'Allah. La prière, c'est une du'a. La zakat, c'est une du'a. Le jeûne, c'est une du'a. Pourquoi? Parce que lorsque tu accomplis ces actes pour Allah subhanahu wa ta'ala, C'est comme si tu lui demandais de te faire entrer au paradis et de te préserver du feu de l'enfer. Tu recherches quelque chose, tu lui adresses une demande en réalité, en te soumettant à ses ordres et en délaissant ses interdits. Donc c'est une forme d'invocation. Donc on voit à travers cela l'importance de l'invocation et qu'elle englobe beaucoup de choses. Et c'est pour cela qu'elle ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce hadith est que l'invocation d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est une forme de polythéisme majeur et une injustice évidente. Et il se peut que certaines personnes ne se rendent pas compte de la gravité de cet acte. Ils prononcent ces mots et les prennent à la légère. « Ya Rasulallah »« Al-Shafa'a Ya Rasulallah » L'intercession au messager d'Allah. Ou alors ils vont invoquer les saints. « Ya Sidi Abd al-Qadr » Il ne se rend pas compte de la gravité de l'acte qu'il est en train de commettre. Car il n'est pas conscient que ce bout de chair qu'il y a dans sa bouche peut le conduire au plus bas fond du feu de l'enfer. Et le troisième bénéfice justement que l'on tire de ce hadith, c'est que celui qui invoque autre qu'Allah et qui meurt dans cette situation sans se repentir de ce grave péché, alors il n'aura d'autre rétribution que le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Car il a commis du shirk. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné le hadith de Jabir pour nous confirmer cela. Car il dit dans celui-ci, « Celui qui rencontre Allah sans ne lui donner aucun associé, il entrera au paradis. » C'est-à-dire celui qui n'a donné aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala, n'a voué aucune adoration à autre qu'Allah. Ni invocation, ni sacrifice, ni vœux, ni prière, ni prosternation, ni tawakkul, ni peur, ni espoir, ni rien d'autre que cela. Celui qui rencontre Allah alors qu'il lui vouait un culte exclusif, qu'il ne lui a donné aucun associé, qu'il lui a voué exclusivement le culte, qu'il n'invoquait qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé, qu'il ne sacrifiait que pour Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé, alors celui-ci, il n'aura d'autre rétribution que le paradis bi'idhnillahi ta'ala, car il sera mort sur le tawhid. Et on a vu dans le hadith de Ubada, le deuxième hadith que l'on a vu dans ce livre, concernant le mérite du tawhid, que celui qui concrétise le tawhid, il entrera au paradis quelles que soient ses œuvres. Et on a vu également le hadith de Mu'adh radiallahu anhu, le troisième hadith concernant le droit d'Allah sur ses serviteurs, et le droit des serviteurs sur Allah, que si les serviteurs lui vouent un culte exclusif, l'adorent sans ne lui donner aucun associé, alors il ne les châtiera pas. Et tout ceci est confirmé maintenant par le hadith de Jabir radiallahu anhu. Celui qui rencontre Allah alors qu'il ne lui donnait aucun associé, médite bien sur ce mot, aucun, il entrera au paradis. C'est une condition qu'il n'ait donné aucun associé à Allah. Car il dit dans la suite, et celui qui le rencontre alors qu'il lui a donné un quelconque associé, il entrera en enfer. C'est-à-dire que celui qui meurt alors qu'il vouait à autre qu'Allah une adoration quelconque et qu'il ne s'est pas repenti de cet acte, alors le paradis lui sera interdit et son refuge sera l'enfer. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Certes, celui qui donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis. Son refuge sera l'enfer, et pour les injustes, point de secoureur. Quelle que soit la créature à laquelle il est voué cette adoration, aussi noble soit-elle, même si c'est un prophète envoyé ou un ange rapproché, même si c'est un homme vertueux, même si c'est un saint, même si c'est un prophète, même si c'est un compagnon, même si c'est, qui qu'il soit, ou quelle que soit cette créature, à partir du moment où cette personne lui voue une adoration, en dehors d'Allah, elle a commis du shirk, du polythéisme majeur. Quelle que soit cette adoration également, que ce soit une invocation, un sacrifice, un vœu, une prière, une prosternation ou autre chose semblable, ceci relève du polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam et s'il meurt dans cette situation, il ne sera pas pardonné. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Donc en résumé, on retient ici que rien ne te sauvera du feu de l'enfer parmi les œuvres, si ce n'est le tawhid, et le fait que tu voues ton culte exclusivement à Allah, en t'écartant de toute forme de polythéisme, majeur ou mineur. Et ceci te montre, une fois de plus, le mérite et l'importance du tawhid, l'importance de le comprendre, l'importance de l'étudier, l'importance de le mettre en pratique. Et de la même manière, ce hadith te démontre